une larme d'alcool dans une larme de toi. Tous les bateaux s'envolent, tous les avions se noient. Et sur tes jambes nues, mes mains perdues d'avance, monte vers l'inconnu comme un oiseau s'élance. Mais dans la liqueur bleue de ton regard qui change, les anges peu à peu aux démons se mélangent. Naufragé corps et âme, je le suis, je le sais, de la beauté des femmes. Elle est belle à mourir, comme si c'était la première fois. Les voiles des bateaux de toutes les couleurs s'étalent sur les eaux. L'océan est en fleurs, sur ton corps endormi, mes mains perdues d'avance remontent à l'infini comme un jeu d'impatience. Mais dans la liqueur bleue de ton regard étrange, les démons ténébreux aux amours se mélangent. Naufragé corps et âme, je le suis, je le sais, de la beauté des femmes, on ne revient jamais. Dans un an, dans 10 ans, à la même heure, au même endroit, je te laisserai choisir, je me laisserai séduire, comme si c'était la première fois. Et sur tes jambes nues, mes mains perdues d'avance.